Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, 1918, le soldat inconnu vivant. Février 1918, 3 ans et demi déjà que l'Europe est en guerre. À Lyon, à la gare des Brotteaux, un soldat est retrouvé seul, errant, sans papier ni plaque militaire. Sans doute descendu du dernier convoi de prisonniers invalides arrivés d'Allemagne. Les gendarmes ont beau l'interroger, lui demander d'où il vient et comment il s'appelle, le pauvre poilu hébété ne peut répondre qu'une chose, je ne sais pas. L'histoire de ce soldat revenu amnésique de la guerre, qui passera le reste de sa vie dans les asiles psychiatriques, va fasciner ses contemporains. L'homme sans nom, qu'on surnommera le soldat inconnu vivant, incarne à lui seul toutes les souffrances de la Grande Guerre, qui n'ont pas cessé le jour de l'armistice. Celles des blessés eux-mêmes, les mutilés du cerveau, ces blessés aux blessures invisibles, qu'on n'appelle pas encore des traumatismes de guerre. Mais aussi, pendant près de 20 ans, des centaines de familles reconnaissant en lui un mari, un père, un fils qui n'est pas revenu du front, l'homme sans nom va malgré lui devenir l'enjeu d'une incroyable bataille judiciaire et incarnera à lui seul le deuil impossible des disparus de la Grande Guerre. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Jean-Yves Naour, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Les auditeurs de France Inter et d'Autant n'importe l'histoire en particulier vous connaissent bien. Vous êtes historien, spécialiste de la Première Guerre mondiale. Et c'est vous qui avez écrit l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes. Vous la connaissez bien, cette histoire, et pour cause, puisque c'est vous qui l'avez révélée dans un livre paru d'abord en 2002, Le soldat inconnu vivant. Ah, comment aviez-vous découvert ce personnage dont l'histoire fascinante avait passionné les Français, d'ailleurs, dès les années 1920-1930, avant de tomber dans l'oubli? Ça, c'est la grande question, comment naissent les histoires? Oui. Et alors, les histoires vraies. Parfois, il y a une part de hasard, on est dans les archives, tout d'un coup on tombe sur un dossier incroyable, ou alors on dépouille la presse, on tombe sur un article, et on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et on cherche à en savoir plus, on regarde... Il y a un côté détective. Voilà. Il y a un côté détective, et ça j'adore dans ce métier évidemment, mais là, cette histoire, c'est elle qui est venue me trouver. Elle Parce que à l'époque, alors c'est vieux hein, tout ça, hein, j'étais à terre, ça s'appelle attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'université de Toulouse. Et voilà que le directeur du département... Alors, faut que je reprenne les choses dans l'ordre, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la petite fille présumée de ce soldat inconnu, hein, dont on va raconter l'histoire, qui cherche à prouver que c'est son grand-père et donner ainsi raison à sa grand-mère qui, toute sa vie, s'est battue pour le reconnaître comme son mari disparu. Et donc, elle écrit à la fac de droit de Toulouse, parce qu'elle habitait à côté de Toulouse à l'époque, en racontant cette histoire et en demandant comment faire pour faire une exhumation du corps et une expertise ADN. Et elle joint à son courrier des coupures de presse de l'époque, des années 30, etc. Et à la fac de droit, ils ont visiblement, ça ne les a pas intéressés ou ils ont lu en diagonale, en tout cas ils ont envoyé le courrier à la fac d'histoire. Ouais, il fallait un historien pour s'intéresser et à oui, ça. Voilà, c'est ça. Et alors le directeur du département à l'époque était Jacques Thomas, qui donne le dossier à Rémi Casal, qui est un professeur qui travaillait sur la Première Guerre mondiale, qui me le donne à moi en disant, oh là là, mais cette histoire n'est pas vraiment intéressante de son point de vue, Et moi, quand je tombe dessus, quand il me donne les articles de presse, mais alors là, j'en reviens pas, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et quand je vous dis qu'elle est venue à moi, elle est venue à moi comme ça, mais je venais, quelques mois plus tôt, de faire un colloque où je parlais des disparus de la Grande Guerre, la question des disparus, oui. Qui est une question le qui n'est pas tout à fait celle des... Oui, c'est ça, c'est le hasard. Et bien alors, évidemment, quand vous voyez un article de presse, est-ce qu'il y a des archives? La grande question des historiens, c'est, y a-t-il des archives? Parce que s'il n'y en a pas, on ne peut pas raconter cette histoire. Et ce qui était formidable dans cette histoire, c'est qu'il a, jusqu'à 1935, il a été interné à Rodez, et dans les archives départementales de Rodez, il y avait un énorme dossier qui conservait toute la correspondance autour de ce soldat et la correspondance des familles qui le réclamaient, comme le fils, le mari, le frère. Un trésor pour vous. Ah ben oui, voilà, donc là, vraiment, j'étais très heureux. C'est terrible parce que c'est une histoire très triste et je suis en train de vous dire que je suis très heureux, mais voilà, mais faut imaginer. C'est aussi une manière de lui rendre hommage que d'écrire un livre sur lui. D'une certaine façon. Alors, l'histoire du soldat inconnu vivant donc, commence au moment où il est découvert, évidemment, en février 1918. Nous, aujourd'hui, nous savons que ce sera la dernière année du conflit, mais en février février 1918, évidemment, personne ne peut le prédire, personne ne peut imaginer que ça va être là bientôt la fin de la guerre. À cette date, on en est où à peu près ? Alors, au niveau des pertes, les Français ne savent rien. Il y a une censure totale sur les chiffres. On imagine qu'on a déjà plus d'un million de morts, mais on ne le sait pas. Mais par contre, ce que l'on sait effectivement, c'est que la France est déjà écrasée par le poids des deuils, parce que si on n'a pas le nombre, hein, on en a tous des amis, des familles, il y a des deuils déjà dans toutes les familles. Une grande lassitude. Et en même temps, une remobilisation des esprits. Pourquoi ? Parce que on sait que les Allemands vont attaquer. Il y a eu la révolution bolchevique en octobre-novembre 1917, et les Allemands donc ont gagné sur le front Est. Ils sont en train de faire la paix qui sera signée en mars 1918 avec les Russes, et donc ils vont ramener toutes leurs troupes du front oriental vers le front occidental, et on sait qu'ils vont jouer le grand coup. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas quand la guerre va se terminer, mais on sait qu'il va y avoir une grande bataille au printemps 1918, et cette bataille sera décisive. Et effectivement, l'Allemagne va jouer le tout pour le tout entre mars et juin 1918, va donner de grands coups sur le front français et britannique surtout, mais ce front tiendra en quelque sorte, et à partir de juillet, ce sont les Allemands qui, ayant tout donné, ne pourront que reculer. Alors merci Jean-Yves Le Naour pour cette précision. Nous poursuivrons tout à l'heure ces discussions. Tout de suite, 1918, Le soldat inconnu vivant, un texte donc de vous, Jean-Yves Le Naour, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Baptiste Guiton. Je suis où ? Il fait nuit. Ce brouillard, on ne voit rien. Ah, on dirait une gare. Oui. Le quai d'une gare. J'ai froid. J'ai très froid. Je suis tout seul. Je ne comprends pas. J'ai peur. J'ai envie de crier. Mais qu'est-ce que je fais ici ? Je ne me souviens plus. Où suis-je ? Il fait noir. Lyon, le 1er février 1918. Un convoi de prisonniers français rapatriés d'Allemagne entre dans la guerre des Brotteaux. Durant la guerre, la France et l'Allemagne se sont mises d'accord pour s'échanger des prisonniers qui ne peuvent plus reprendre une part active à la guerre. Les mutilés, les amputés, les aveugles et les fous. On appelle ces convois qui transitent par la Suisse les trains des éclopés. C'est après le passage d'un de ces trains, au cours d'une ronde de gendarmes, que va se nouer l'énigme du soldat inconnu vivant. Qu'est-ce qu'il fait au bout du quai, celui-là ? Oh ! Qui va là ? Hé, toi ! T'étais dans le train des éclopés, non ? C'est pas vrai. Oh, je te cause. Tu comprends pas le français ? Et merde, un cinglé. Approche. Viens. Viens, n'aie pas peur. Voyons. Évidemment, t'as pas de fiche d'évacuation autour du cou, ce serait trop simple. J'exagère, franchement. Comment tu t'appelles ? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas ? Tu connais pas ton nom ? Je sais pas. Bon. Qu'est-ce que t'as dans tes poches ? Allez ! Et flûte. Pas de portefeuille, rien évidemment, même pas une plaque d'identité. On dit que les boches sont organisées, non mais franchement. Bon allez, suis-moi, je vais téléphoner. Allô ? Je voudrais le 12, à Bron, l'asile d'aliénés s'il vous plaît. Allô ? L'asile de Bron ? Ouais, c'est le poste de la gare, les Brotteaux. On a un client à vous. Il était sûrement dans le train des amochés de tout à l'heure. Hein ? C'est un névrosé, un amnésique, un fou, quoi. D'accord, vous venez le chercher, très bien. Allez, t'inquiète pas, petit. La guerre est finie pour toi. À l'époque, on ne sait pas grand-chose des maladies psychiques. les médecins ne savent pas soigner, mais à défaut, ils produisent du vocabulaire. Ce soldat souffre de... Il souffre d'aphasie. Oui, d'aphasie. Ça saute aux yeux. Attendez voir. Non, d'ataxie, plutôt. Ou alors, c'est une psychasthénie. C'est ça, une psychasthénie. Du genre carabiné. Hein. À vrai dire, ça pourrait aussi bien être une dégénérescence mentale due à une obusite commotionnelle ou un syndrome post-confusionnel. En tout cas, vous ne pouvez pas dire qu'on ne s'est pas posé un diagnostic. Durant la guerre, deux méthodes sont successivement employées pour soigner les blessés nerveux. La méthode douce, tout d'abord, à base de bains, de repos, de massages, et une méthode plus brutale, l'électrothérapie à haute dose. Les tampons électriques du médecin moderne ont remplacé la saignée du docteur Purgon. Grâce à l'excitation douloureuse de l'électricité, le malade reprend contact avec la réalité. Il ne faut donc pas hésiter à faire mal pour faire le bien. Un bon coup de torpille et paf, ça vous remet d'aplomb. Le pauvre soldat rapatrié d'Allemagne est d'abord interné à l'asile de Bron, sous un chiffre, le numéro 13. Mais comme il faut bien lui donner un nom, on lui fait subir un interrogatoire. Cela fait plusieurs fois qu'il me demande mon nom. Jusqu'à me crier dessus et même me bousculer. Mais moi, je ne me souviens plus. J'ai bafouillé, bredouillé. En tendant l'oreille, l'infirmier a décrété que je m'appelais Anthelme Mangin. Il a écrit ce nom en tête d'un dossier. Et puis il a dit qu'il n'avait pas que ça à faire et que de toute façon, je n'étais qu'un cinglé de plus. Il s'appellera donc Anthelme Mangin. On sait que ce n'est pas son vrai nom, mais de toute façon, ce sera toujours mieux qu'un chiffre. Ensuite, par manque de place, il est évacué sur Clermont-Ferrand, où il restera 2 ans. C'est lui ? C'est Albert ? C'est Albert ? Eh bien, vous le reconnaissez, madame ? Albert, mon grand frère. Comme je suis heureuse d'être retrouvée. Tu ne me reconnais pas ? Je suis Louise, ta sœur. Tu sais, depuis ta disparition en 1915 à Tahure, je n'ai jamais cru à ta mort. Et maman non plus. Je savais bien que tu reviendrais. Je me suis dit que tu étais peut-être choquée, amnésique, grand blessée ou quelque chose comme ça. Alors j'ai fait tous les hôpitaux de la région. Je n'avais qu'une chance infime et pourtant te voilà. Mon frère chéri. Ah, si maman était encore de ce monde. Elle qui a tant pleuré. Comme elle serait heureuse. Mais Albert, tu ne dis rien. Attends. Regarde. Voilà la photo de tes deux petits que j'ai recueillis. Ça ne te dit rien non plus ? Ah oui. Évidemment. Ils ont grandi en 5 ans. C'est normal que tu ne les reconnaisses pas ? Non. Je ne les reconnais pas. Louise Vessette est une blanchisseuse de l'Aveyron. Comme elle a reconnu son frère, Albert Mazinck, en la personne de l'amnésique Anthelme Mangin, l'administration accepte de l'envoyer de Clermont-Ferrand à l'asile de Rodez. Il sera ainsi plus proche de sa famille. Cela ne suffit cependant pas à Louise, qui réclame qu'on lui rende son frère. Le médecin-chef de l'asile de Rodez, le docteur Fénéroux, n'y voit pas d'inconvénient, mais il la prévient. Vous comprenez, madame Vessette, votre frère, si c'est bien lui, est un grave commotionné. Asseyez-vous, je vous en prie. Je crains qu'il ne soit incurable et qu'il demeure à jamais une charge pour vous. Une charge ? Oh non, docteur. Depuis qu'Albert a disparu, nous vivons en enfer. Ma mère est morte de chagrin et moi, je ne le laisserai jamais à l'hôpital. Sa place est dans sa famille. C'est Dieu qui nous l'a pris en 1915 et aujourd'hui, c'est Dieu qui nous le rend. Ce n'est pas une charge, c'est une grâce. Je dois vous prévenir que le malade ne réagira pas à vos sollicitations. Il est dans son monde à lui. Et moi, je suis certaine qu'avec le temps, la mémoire lui reviendra. C'est dans l'amour des siens qu'il se soignera, docteur. Bien, je suis très content pour lui. Je vais préparer les papiers de sortie. Ah, vous avez apporté son livret militaire, comme je vous l'ai demandé ? Oui. Tenez. Docteur, le voici. Bien. Comment ? Votre frère mesure 1m58 ? Et alors ? Mais Mangin mesure 1m64. Et là, on lit qu'il a eu une appendicite. Et Mangin n'a aucune cicatrice. Écoutez, madame, Je suis désolé, je ne peux pas vous le rendre. Au vu des comparaisons anthropométriques, votre frère Albert Mazinck et Mangin ne sont pas les mêmes personnes. Voyons, docteur, je l'ai reconnu. Je l'ai tellement pleuré. Mangin mesure 6 cm de plus que votre frère. Et alors ? L'armée a pu se tromper, puis il a pu grandir en 4 ans. Madame, on ne grandit pas de 6 cm à 30 ans, fût-ce en 4 ans de guerre. J'aurais tellement aimé vous donner raison, mais songez qu'une famille pleure à tort actuellement un disparu qui est vivant. Si on vous confiait Mangin, cette famille continuerait à souffrir injustement. Il nous faut découvrir sa véritable identité. Et nous ? On n'a pas assez souffert depuis la vie de disparition ? Vous savez ce qu'on a enduré ? Rien savoir ? Guetter le facteur pour ce maudit courrier qui ne vient pas ? Mais bon sang, disparu, ça ne veut pas dire mort ! Je sais. Non, vous ne savez rien ! C'est un martyr de ne rien savoir. Et maintenant que j'ai retrouvé, vous me dites que c'est pas le mien ? Que j'ai cartonné à mon malheur ? Eh bien, pas question. C'est mon frère à moi, celui que la patrie m'a volé. Croyez-moi, ce n'est pas votre frère. Pensez à sa vraie famille, qui aujourd'hui pleure et... Et nos larmes à nous, elles ne valent pas d'être séchées ? Qu'importe si vous me dites que c'est pas mon frère, pour moi c'est pareil. Et vous voulez le garder dans votre asile ? Pour une famille que vous ne retrouverez peut-être jamais ? C'est trop d'injustice. Le docteur Fénéroux est ébranlé. Il se dit qu'après tout, mieux vaut être cajolé dans une famille, même si ce n'est pas la sienne, que de pourrir entre les quatre murs d'un asile. Oubliant les relevés anthropométriques, il organise une confrontation de Mangin avec la famille Vessette au grand complet, accompagnée d'amis, du maire et de l'instituteur du village. Si tout le monde le reconnaît, alors il ordonnera la libération du malade sans autre forme de procès. Mais rien ne se passe comme prévu. Nombreux sont ceux qui émettent des doutes et même qui affirment formellement qu'Albert Mazinck et l'inconnu sont deux personnes tout à fait différentes. Dès lors, le docteur Fénéroux est coincé. Il ne peut plus remettre Mangin à Louise Vessette. Et vous avez eu tort. Mais quoi, monsieur le préfet ? Je ne peux quand même pas faire n'importe quoi. Vous avez vu combien coûte cet asile au département ? Fermez la porte, s'il vous plaît. Là. Regardez le bilan financier. Une petite fortune. Et votre inconnu, là ? Eh bien quoi ? Il faut le nourrir, le loger, le blanchir. Et qui paye, hein ? L'armée ! L'armée ? Elle ne veut plus rien savoir. Depuis le 11 novembre 1918, le soldat a été démobilisé d'office. Ce n'est plus un militaire. Il ne perçoit donc plus de soldes. Eh bien alors, il a droit à une pension d'invalidité. Quelle naïveté. Docteur Fénéroux, voilà ce que le ministère des pensions m'a répondu quand je lui ai demandé de prendre en charge votre malade. Monsieur le préfet, j'accuse réception de votre courrier daté du blablabla. Ah, voilà. Les pensions étant nominatives, il est impossible pour nos services d'en attribuer une à l'inconnu dit Mangin Anthelme tant que sa véritable identité n'aura pas été reconnue. Quel culot ! En attendant, c'est le département qui paye, et il n'est pas très content. Aussi, je vous prie de vous hâter dans l'identification de ce soldat. Vous me comprenez ? Je ne demande que cela. Mais comment m'y prendre ? La presse, docteur, la presse. Donnez donc un peu de résonance médiatique à cette affaire, la famille se manifestera, et tout rentrera dans l'ordre. Attention, on ne bouge plus. Mon petit Mangin, tu vas voir, cette fois-ci, tout va s'arranger. Les 18 et 19 février 1922, le portrait de Mangin s'étale dans la presse nationale. Un de nos innombrables deuils est illégitime. Il y a quelque part en France, sur le socle d'un monument aux morts, un nom qui ne devrait pas y être. Il y a un homme à l'asile de Rodez qui attend d'être identifié. Le reconnaissez-vous ? Les anciens combattants, par fidélité envers leurs infortunés camarades, publient quant à eux une affiche qu'ils vont placarder sur les murs de toutes les mairies de France. Si avec cela, on ne retrouve pas sa famille, mais encore une fois, rien ne se passe comme prévu. Et la une en plus. Oh, ça va faire du bruit. Je suis certain que... Il n'y a pas de visite le matin, pas de fournisseur annoncé. Qui cela peut-il bien être ? Voilà, j'arrive ! Qu'est-ce que c'est ? Lucien ! Assez ! Ils sont fous, ma parole ! C'est le mien ! Laissez-moi passer, je t'ai la mort ! Oh, c'est saligo ! Ah non, messieurs ! Ce que n'avait pas prévu le docteur Fénéroux, c'est cette avalanche de misère, de deuil inachevé, cette souffrance des familles depuis la disparition à la guerre de leur fils, de leur mari, de leur frère. Et comment se résoudre à accepter la mort quand il n'y a même pas d'avis de décès, juste un avis de disparition? Et elles sont légion, ces familles de disparus. 250 000 n'ont jamais rien su de ce qu'il était advenu de leur être cher. Un mort sur six est un disparu, porté manquant à l'issue d'un assaut. Sans corps, sans certitude, comment accepter la mort? Comment se résigner? Et voilà qu'un disparu est retrouvé vivant et ravive subitement les vieilles blessures impossibles à refermer. 300 familles se manifestent et réclament qu'on leur rende celui qu'elles ont reconnu. À nous deux, mon Jean. Nous allons faire les choses scientifiquement. Vous notez, s'il vous plaît? Oui. Tour de crâne, 58 cm. Tour de taille, 88 cm. C'est bien. C'est bien. Yeux bleus, taille 1,64 m. Ouvre la bouche. Allez, allez. Une molaire inférieure droite en moins et une prémolaire supérieure gauche arrachée. Un grain de beauté sous les aisselles. Tu choses du 41, comme moi. Tiens, trempe tes doigts dans l'encre, mon grand. Je vais relever tes empreintes. Si tu étais un criminel avant-guerre et si tu étais fiché, on saura qui tu es. Mais j'en doute. Voilà ce que je suis devenu. Une liste de plaies, de bosses et de cicatrices. Une somme de chiffres. Un totem et un animal de foire qu'on exhibe devant les familles pour leur prouver qu'elles se trompent. J'en ai vu des barbes piquantes et des joues humides de larmes. Des femmes fébriles, exhibant les photos des petits devenus déjà bien grands depuis 1914. De vieilles silencieuses qui me prenaient par le bras ou se serraient contre ma poitrine. Moi, je m'en moque. Je suis indifférent à tout. Cela fait bien longtemps que pour moi, le passé est mort. Ne t'inquiète pas, mon petit mangin, je vais y arriver, je te le promets. J'ai fait venir le plus grand expert français, le docteur Edmond Locard. C'est le directeur de la police scientifique de Lyon, tu te rends compte ? À partir d'un exemplaire de ton écriture, il va étudier les différentes lettres remises par les familles. Le docteur Edmond Locard ne se dit pas graphologue, mais graphomètre. Il ne se contente pas d'accumuler les ressemblances et les dissemblances dans les écritures, mais mesure les écarts entre les lettres, mesure les jambages, construit des graphiques et entend faire de la graphologie une science. Hélas, cela ne va rien donner. Je me faisais une fausse joie. Avec tout son attirail, ses compas, ses tableaux, ses indices curvimétriques, le grand expert Edmond Locard a identifié un certain René Rondeau comme étant l'inconnu. Une certitude à 100%. Je me suis évidemment jeté sur son dossier. Rondeau, c'est pas ça. Rondeau, ah, le voilà. Une cicatrice au front, Mangin n'en a pas. Une dent de sagesse arrachée, ce n'est pas le cas de Mangin qui a toutes ses molaires. Et une taille d'un mètre 75 pour couronner le tout. Plus grand que Mangin. Ah, bravo l'expert. Me voilà dans de beaux draps avec un coco pareil. Et le défilé des malheureux au deuil impossible continue. Une épouse explique qu'elle ne vit plus depuis la disparition de son mari à Verdun et que, pour la première fois, la joie lui est revenue en découvrant la photo d'Étienne dans le journal. « Croyez-vous que mon fils Émilien retrouvera un jour la raison ?» demande une autre femme. « C'est le bon Dieu qui a voulu nous réunir », lance une vieille mère au médecin embarrassé. « 1,83 m, dites-vous. Alors ça ne peut pas être notre amnésique. Je suis sincèrement désolé, madame. » Toutes ces dents, vous êtes bien sûr? Dans ce cas, votre frère et Mangin ne sont pas les mêmes personnes. Je vous souhaite bon courage, monsieur. Madame, c'est absolument impossible. Oui, oui, vous me dites qu'il ressemble à votre fils comme deux gouttes d'eau, mais le vôtre a disparu sur le front de Picardie en mars 1918. Et à cette date, Mangin était déjà interné en France. Non, non, je suis désolé. L'erreur n'est pas permise. Oui, au revoir, monsieur. J'en peux plus, ils vont me tuer. J'en peux plus de leurs histoires, toutes plus tristes les unes que les autres. Tu veux un petit Armagnac, Mangin ? Bah, ça peut pas te faire de mal, après tout. Des fous. Ils sont complètement fous, ma parole. Plus dérangés que mes pensionnaires, encore plus dingues que toi, mon pauvre Mangin, hein ? Qu'est-ce que t'en penses, hein ? Bah, rien, bien sûr. Tu ne sais même pas que tu es une célébrité, que tout le monde parle de toi, que les journalistes t'appellent le soldat inconnu vivant. Figure-toi que tu fais un tabac au théâtre. Monsieur Jean Anouilh t'a consacré une pièce. Tu te rends compte, Mangin ? Non, bien sûr. Le monde souffre. Il s'agite autour de toi et toi, tu t'en fous. Dans le fond, c'est peut-être toi qui es dans le vrai. Cela fait peur aux gens qu'un homme puisse vivre sans passé. Pas de pays, pas de ville natale, pas de tradition, pas de nom. Foutre, quel scandale ! Cela fait peur aux gens, un voyageur sans bagage. J'étais si tranquille à l'asile. Je m'étais habitué à moi. Je me connaissais bien et voilà qu'il me faut me quitter. Trouver un autre moi et l'endosser comme une vieille veste. Je suis sans doute le seul homme, c'est vrai, auquel le destin aura donné la possibilité d'accomplir ce rêve de chacun. Je suis un homme et je peux être, si je veux, aussi neuf qu'un enfant. C'est un privilège dont il serait criminel de ne pas user. Je vous refuse. Pour écrire sa pièce « Le voyageur sans bagage », Jean Anouilh, dans les années 30, s'inspirera directement du soldat inconnu vivant. Mais au lieu d'en faire un fou dans une société saine, il renverse l'accusation. Mangin est le seul homme libre dans une société malade. Il a cette incroyable chance d'être amnésique, d'avoir oublié tout le passé terrible de l'humanité dans un monde traumatisé qui n'en finit pas de souffrir parce qu'elle déborde de souvenirs. Quand on lui retrouve sa famille, le voyageur sans bagage préfère mentir et ne pas la reconnaître pour ne pas avoir à endosser tout le passé douloureux qui va avec. Bravo, docteur. Je vous félicite. Eh bien, monsieur le préfet, que me reprochez-vous ? Votre histoire de réclame dans les journaux, la publication de la photo de l'inconnu dans la presse, bravo ! C'est une grande réussite, un succès. Ça alors, je vous rappelle que c'est vous qui m'avez donné cette idée. Je vous ai poussé à prendre des mesures pour faciliter l'identification de cet individu et vous avez tout embrouillé. Maintenant, je croule sous les courriers de parents qui se plaignent de ce que vous ne leur avez pas rendu leur amnésique. Et certains ont le bras long. Alors, je vous conseille de vous mettre au travail. Je fais ce que je peux, monsieur le préfet. En 1927, pour la première fois, une piste sérieuse se présente. Il s'agit de Lucie Lemay, qui a découvert la photo de l'inconnu dans un magazine, dans la salle d'attente de son dentiste. Oui, je dois dire que pour une fois, la photo est ressemblante. Et pour une fois, tout concorde. Taille, couleur des yeux, des cheveux, âge approximatif. Infirmier ! Infirmier, allez me chercher Mangin. Je vous ai apporté aussi un exemplaire de son écriture, pour expertise. Faites-y attention. C'est sa dernière lettre avant de partir pour le front. J'y tiens. Prie pour moi, ne m'oublie pas. Embrasse mes petiots. Millions de baisers. Oui, les majuscules sont identiques avec celles de l'écriture de l'inconnu. Et il a la même façon de faire des points ronds au-dessus des i, mais tout cela n'est pas une preuve. Et je dois vous avertir... Ah ! Mangin. Elle ne s'est pas jetée sur moi, comme les autres. Elle m'a regardé avec des yeux ronds, longtemps, fixement. Puis, elle s'est approchée de moi et m'a dit simplement... Marcel. Elle avait les larmes aux yeux. Alors je lui ai caressé la joue. Ça alors, c'est la première fois qu'il se comporte ainsi. Regarde, Marcel, c'est toi en 1914, juste avant de partir à la guerre. Et là, c'est moi, avec nos trois enfants. Je revins à mon indifférence, à mon silence, à mes yeux perdus dans un horizon lointain. La femme se troubla. C'est bien lui. Oh mon Dieu! Je le croyais pas mal à ce point. Si seulement il m'avait reconnu. Connaissez-vous des signes particuliers à votre mari que nous pourrions vérifier séance tenante? C'est que je n'ai jamais songé à en relever. Et puis nous étions pudiques, vous comprenez? Mais je vais y réfléchir. Revenez vite. Lucie Lemay revient, mais c'est la déception. elle s'est souvenue d'une incision à la malléole. Mais Mangin n'en conserve aucune trace. Et lors de ses nouvelles visites, Mangin ne manifeste plus aucun intérêt. Un jour, il s'endort même en sa présence, malgré ses cajoleries. Pire encore, l'ancien patron de Marcel Lemay, un négociant en eau minérale, venu par devoir à Rodez, est plus que dubitatif. Fénérous s'assombrit à nouveau. Il perd espoir. C'est le hasard, finalement, qui va tout débloquer. Oh. Ah, monsieur le maire. Oh. Je voulais en vous voir, justement. Nous sommes en 1930, dans le village de Saint-Maur, dans l'Indre. Joseph Monjoint est un journalier, un travailleur agricole des plus modestes. Voilà. Tous les parents qui ont perdu un fils à la guerre ont droit à une pension. Et le vieux, lui, il n'a jamais rien eu. Et pourtant, l'Octave, mon frère, y est resté. Mais à chaque fois qu'on réclame la pension, elle nous est refusée. Faudrait nous aider à réclamer nos droits, monsieur le maire. On ne sait pas où s'adresser, nous autres. Et puis, l'école, ça fait longtemps, et je ne sais pas trop comment tourner la lettre. Alors je préférerais que ce soit vous qui l'écrivez. Le maire s'exécute et adresse un courrier au service du contentieux du ministère des Pensions. Celui-ci effectue des recherches et fait une incroyable découverte. Le vieux père Monjoint n'a en effet pas droit à une pension d'ascendant, car Octave Monjoint, son fils, n'est pas officiellement mort. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Le ministère des Pensions m'écrit à propos d'un Octave Monjoint, prisonnier au camp de Hameln depuis 1915 et qui a été rapatrié d'Allemagne via la Suisse. Le convoi parti de Constance le 31 janvier 1918 est arrivé en gare de Lyon-Brotteau le lendemain, 1er février. Octave Monjoint en faisait partie, mais il a été porté manquant à l'arrivée. Mangin, Octave Monjoint, c'est lui. Monsieur, suite à votre courrier au ministère des Pensions, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il existe de fortes présomptions pour que votre frère, Octave Monjoint, se trouve actuellement interné à l'asile de Rodez. Ci-joint une photo du malade pour que vous puissiez le reconnaître. Cette fois-ci, l'énigme est résolue. Mais le frère Monjoint ne répond pas. Alors, le docteur Fénéroux le relance à nouveau. Il ne répond toujours pas. Il le relance une troisième fois. Joseph Monjoint reste silencieux. Alors ? Ben nous, on voulait une pension pour le père, pas récupérer un fou. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'un fou à la maison ? J'ai du travail par-dessus tête, je peux pas m'en occuper. Puis il faudra le nourrir, l'habiller. Comment on va faire nous autres avec nos maigres revenus ? Alors, autant qu'il reste où il est. Il faut que le docteur Fénéroux promette de lui rembourser le voyage pour que Joseph Monjoint accepte de se rendre à Rodez pour y reconnaître son frère Octave. Et quand il vient finalement en février 1931, il n'est pas du tout convaincu. Et voici notre inconnu. Alors, c'est votre frère, n'est-ce pas ? Je peux pas dire que oui, je peux pas dire que non. Comment cela ? Vous ne le reconnaissez pas ? Votre frère ? Bah, vous savez, ça fait 17 ans que je l'ai pas vu, l'Octave, alors on change en 17 ans. Et avant, on n'était pas familiers. Il était parti du pays faire le serveur à Monaco, à Etretat, même qu'il a travaillé à Londres dans une ambassade. Il voulait pas être paysan, qu'il nous disait. Écoutez, je suis venu parce que vous avez payé, mais je peux pas dire que c'est lui. Et puis je vous l'ai déjà dit, je veux pas d'une charge à la maison. Ce n'est pas qu'une charge. Dès qu'il aura été identifié, il touchera une pension d'invalidité, ou plus exactement, vous toucherez cette somme. Il y a même un sacré arriéré depuis 1918. Oh, bah c'est pas la même histoire. Bah, si vous me donnez des sous, là, je veux bien le reconnaître. Il y aura qu'à le transférer à l'asile de Châteauroux. Et je viendrai de temps en temps lui passer le bonjour. Il se joue ici une comédie abominable. Madame Lemay, mais que faites-vous ici ? La presse m'a averti que vous vouliez confier Marcel à une famille. Je vous laisserai pas faire. C'est Octave, mon frère, et non Marcel. Ah oui, vous le reconnaissez maintenant. C'est Marcel, je vous dis. Octave. Marcel. Octave. Marcel. Octave. Calmez-vous, je vous en prie, calmez-vous. Ah, bravo, docteur Fénéroux, bravo. Du grand guignol, de mieux en mieux. Ah, il s'en passe de belle dans votre asile. Puisque je vous dis que j'ai trouvé la véritable famille. Des dizaines d'autres familles protestent, ameutent la presse et jettent le doute dans l'esprit public. Écoutez, docteur, j'en ai par-dessus la tête de cette histoire. Alors si l'on veut éviter un procès à scandale, vous m'étoffez votre dossier. Vous me l'étoffez. Le 27 septembre 1933, le docteur Fénéroux tente une nouvelle expérience. Il ramène Mangin à Saint-Maur, dans le village où Octave Monjoint a grandi. Les curieux sont aux fenêtres et sur les pas des portes. Les enfants et les journalistes suivent l'inconnu à quelques mètres. Ses premiers pas le conduisent à l'école primaire, où il s'installe à la place qu'il occupait quand il était enfant. Je le savais. Je le savais. Cette expérience est concluante, je le savais. Qu'est-ce qu'ils ont tous à me suivre ainsi? Pourquoi ils m'observent? Pourquoi ils ne me laissent pas en paix? Ils sont là qui m'encadrent, qui me guident et qui commentent le moindre de mes faits, de mes gestes. Après l'école, le soldat inconnu vivant se dirige vers sa maison, celle de son vieux père et de son frère Joseph. Il y a là un vieil homme assis sur un tabouret, les deux mains posées sur une canne, une gitane au coin des lèvres. Il me sourit, mais je ne sais pas qui il est. Alors, l'Octave, on est de retour? On a mis du temps pour trouver ton chemin, hein? Et quand est-ce qu'on touche sa pension, docteur? Mais le pauvre Fénéroux n'est pas au bout de ses peines. Les autres familles ne désarment pas, dénoncent un traitement de faveur et réclament, elles aussi, qu'on replace l'amnésique dans leur quotidien. Madame Lemay exige qu'on mène Mangin dans les Deux-Sèvres, Madame Mazat en Dordogne, les époux brillent, le réclament à Paris. Enfin, c'est une avalanche. Le préfet s'arrache les cheveux. Cette fois-ci, c'en est trop. On n'évitera pas le procès. Ah, Fénéroux, vous m'avez mis dans une situation impossible. Je suis désolé, mais je me dois de prendre des sanctions. Je propose votre mise à la retraite d'office. De plein droit, rassurez-vous. Et Mangin? Quoi, Mangin? Désormais, ce n'est plus votre affaire. Et ce n'est plus la mienne non plus, d'ailleurs, puisque la justice est saisie. Mon pauvre Mangin, je suis venu te dire adieu. C'est peut-être vrai que l'enfer est pavé de bonnes intentions. En voulant retrouver ta vraie famille, je t'ai fait plus de mal que de bien. Pardonne-moi, Mangin. Je vous pardonne, docteur, comme je pardonne à tous les hommes. La justice n'est pas pressée. Il faut attendre le 30 janvier 1935 pour que le tribunal civil de l'Aveyron se réunisse. Mais les juges sont prudents, ébranlés par les arguments des familles qui refusent de le voir confié au Monjoint. Alors, ils demandent un complément d'information et envoient Mangin à l'hôpital Sainte-Anne. J'y suis examiné par trois grands psychiatres. Je donne l'impression de m'en moquer, mais j'aimais mieux quand c'était Fénéroux. Lui, il me parlait, il s'adressait à moi. Même si je ne répondais pas, peut-être même s'était-il attaché à moi. Les médecins parisiens me jaugent, me jugent, m'auscultent, sans jamais donner l'impression que j'existe. Si seulement on pouvait me laisser tranquille. Le 12 octobre 1937, enfin, le tribunal de Rodez se réunit et reconnaît officiellement Anthelme Mangin comme Octave Monjoint. Mais c'était compté sans l'opposition ultime de Lucie Lemay qui fait appel. En attendant, je reste à l'asile. Mon histoire, c'est bel et bien une histoire de fou. Le 8 mars 1939, la cour d'appel de Montpellier confirme le jugement de Rodez. Mais Mangin ne sera jamais rendu à sa famille. D'abord parce que Lucie Lemay s'est portée en cassation, mais aussi parce que la famille Monjoint n'existe plus. En mars 1939, 2 semaines après la décision de la cour d'appel, j'ai perdu le père et le frère que la justice m'avait redonné. Le vieux est mort dans son lit, et Joseph par la ruade d'un cheval. À peine ai-je retrouvé mon nom que je n'ai plus de famille. De toute façon, plus personne ne parle de moi. J'ai fini de passionner les foules. Quand j'étais une énigme, le soldat inconnu vivant, j'angoissais le pays. Depuis que j'ai officiellement un nom, je ne suis plus qu'une épave, un fou, un pauvre type comme tant d'autres. On peut maintenant m'oublier, comme j'ai oublié les hommes. Leur violence, leur haine et leur souffrance. « 1918, le soldat inconnu vivant » de Jean-Yves Le Naour, avec « Le soldat inconnu vivant » Clément Bresson de la Comédie-Française, « Le gendarme » Antoine Sastre, « Le premier médecin » Stéphane Bernard, Louise Vessière, Marilyn Fontaine, le docteur Fénéroux, Hassan Timbo, le préfet François Kergoulet, Lucie Lemay, Marion Lambert, le paysan Joseph Monjoin, Aurélien Ozinski. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Delphine Baudet et Antoine Espel, assistante à la réalisation Romane Chiban, réalisation Baptiste Guiton. Dans quelques minutes, on continue de parler du soldat inconnu vivant avec mon invité Jean-Yves Le Naour. It Ain't Water d'Alison Mosshart sur France Inter, Autant en emporte l'histoire. La mission est réalisée par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier. Programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Juliette Delperroux. Jean-Yves Naour, merci de nous avoir rappelé cette histoire oubliée. Elle nous parle donc de la Première Guerre mondiale. Mais pourquoi continue-t-elle à nous toucher comme ça? C'est une histoire universelle quand même. Oui, c'est une histoire universelle qui... C'est la question de ne rien savoir. Et vous savez, dans notre société, dans notre civilisation, on a besoin de savoir pour tourner la page, paraît-il, pour faire son deuil, comme on dit dans cette expression fameuse que je n'aime pas trop, mais on a besoin d'accomplir un certain nombre de rites, de gestes. Et là, vous avez ce cas. Alors, c'est la Première Guerre mondiale, mais ça pourrait être la guerre du Vietnam, ça pourrait être dans un tout autre contexte où il ne reste plus rien, où on ne sait rien. Et par exemple, quand j'écrivais, c'était au moment du World Trade Center, du 11 septembre 2001. Mmh. Et vous voyez, les 3000 personnes qui étaient dans ces tours ont été annihilées. Et il ne reste rien, rien. Mmh. Et on a remis aux familles. On peut pas identifier des corps. Ah non, non, on a tenté, mais ça ne servait absolument à rien. C'est de la poussière. Il reste rien de cet immeuble, il reste rien des gens qui étaient à l'intérieur. Donc on a remis à toutes les familles un petit coffret avec de la poussière du World Trade Center, qui est aussi de la poussière d'hommes, afin que cette douleur puisse s'apaiser, si on. Mais il faut. On puisse faire une forme de deuil. C'est pourquoi cette histoire nous touche. Elle sort du contexte de la Première Guerre mondiale. Alors bien sûr, elle nous permet aussi de comprendre dans l'entre-deux-guerres ce qu'a pu être ce deuil terrible, parce que la guerre ne s'est pas arrêtée le 11 novembre 1918, comme on dit, ça c'est ce qu'on lit dans les manuels. Mais quand vous avez perdu votre mari, quand vous avez perdu votre fils, vous allez souffrir toute votre vie. Alors, l'histoire du soldat inconnu vivant a commencé, on l'a entendu, le jour où on l'a découvert, donc le 1er février 1918 à Lyon. Ben, il faudra des années avant qu'il retrouve sa véritable identité, Octave Félicien Montjoint. Mais est-ce que vous avez réussi, Jean-Yves Naour, à reconstituer ce qu'avait été sa vie avant ? On sait peu de choses de lui. Il est né en 1891 et effectivement, il voulait fuir ce milieu de petits journaliers agricoles. Il voulait fuir cette famille horrible. Horrible. C'est-à-dire que la vie est rude à l'époque. C'est vrai que la France en 14, c'est un pays qui est majoritairement rural, près de 60% de la population, et 40% sont des paysans. Et là, on est dans le cadre de paysans qui n'ont pas de terre, qui sont obligés de s'engager chez les autres, qui ont un tout petit potager, qui vivote, qui gagne 3 francs 6 sous. La vie est difficile. Il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité. Il ne veut pas vivre cela. Donc il va devenir garçon, serveur à Monte Carlo, à Tours d'abord, voyage, parce que c'est la grande ville au nord de Châteauroux, et puis à Paris, et effectivement même à Londres. On s'est aperçu effectivement que il avait des notions d'anglais, ce soldat inconnu, cette amnésie qu'on lui faisait des dictées, on lui avait dicté aussi de l'anglais, et il savait écrire l'anglais. Donc on se dit, ça c'est bizarre, c'est étrange, mais évidemment, quand on a su qu'il avait été serveur, qu'il avait travaillé à Londres, on a compris pourquoi. Et il a été mobilisé à quel moment ? Dès 1914. Il est revenu en France en 1911 pour faire son service militaire. Un service militaire qui, au départ, était de 2 ans. Et en 1913, il est passé à 3 ans. Donc, il est resté sous les drapeaux et il a été engagé dès les premiers combats. D'ailleurs, il est déclaré disparu en août 1914. Donc, dès les premiers combats, qui sont les plus violents, d'ailleurs, il se retrouve pris dans une bataille, la jambe fracturée. On sait que l'inconnu avait eu une fracture à la jambe et effectivement, les dossiers médicaux d'Allemagne nous disent qu'il a été soigné en Bavière pour une jambe fracturée. A-t-on une idée des événements qui ont pu conduire à son amnésie totale ? Comme je le disais, les médecins inventent du vocabulaire quand ils savent pas tout à fait diagnostiquer, c'est-à-dire que on va inventer le syndrome des barbelés pour expliquer comment on devient fou dans Qu'est-ce les camps que de prisonniers. Que c'est, bien, c'est, c'est en tant que prisonnier, vous pensez, oui, qu'il est devenu amnésique. Il a perdu la raison dans un camp de prisonniers, parce qu'on sait que il y a eu quelques courriers échangés avec la famille, et à un moment donné, il a cessé de donner des nouvelles. Et à partir du moment où il cesse de donner des nouvelles, on peut imaginer effectivement qu'il a basculé. On voit aussi qu'il ne veut pas être reconnu. Il a voulu fuir ce monde. Ce monde est horrible. On pourrait même penser d'ailleurs que le fou, c'est le seul homme raisonnable, et que le monde que l'on connaît, c'est un monde de fous, finalement. On pourrait inverser les choses. Et il ne veut pas être reconnu. Quand on l'interroge, quand il arrive à Lyon, il donne le nom de on croit reconnaître Anthelme Mangin, mais quand on lui dit d'où viens-tu, etc., il dit qu'il vient de Vichy, rue Sélastras, alors que c'est pas vrai du tout. Vous voulez dire qu'il simule la folie, l'amnésie ? C'est des thèses que l'on a à l'époque. Est-ce que la folie... Oui, beaucoup de médecins militaires pensent que les fous, enfin ceux qui ont des problèmes psychiques pendant la guerre, il y en a beaucoup, pensent que parfois ils simulent. Oui, ça vient d'une théorie qui a été formulée en 1901 par le docteur Babinski, qu'on connaît surtout pour les gestes réflexes. Et ce docteur a inventé le pitiatisme, la théorie du pitiatisme. rhumatisme, qui veut dire je me suis persuadé guérir, de persuader guérir en grec, et je me suis persuadé que j'étais malade, donc je me suis auto-suggestionné. Et à partir de ce moment-là, si on s'auto-suggestionne, si on s'est persuadé qu'on est malade, on est un certain nombre de médecins militaires peuvent considérer que finalement on n'est pas loin de la simulation, d'où les termes d'ailleurs qui sont employés par les médecins militaires pendant la guerre, de métasimulateurs, de sursimulateurs, des choses comme ça. On ne dit pas le mot simulateur parce que ça veut dire qu'on est conscient finalement qu'on simule, et donc lui il n'est pas conscient, il a perdu la raison, mais son cerveau a tout de même inventé une maladie pour fuir le réel, parce que le réel est trop affreux, tout simplement. Alors le problème, c'est comment redonner la raison à ce genre d'individu. Et là les méthodes divergent. Oui, vous dites qu'il y a des méthodes douces, oui. Et puis des méthodes plus drastiques. Voilà, les douces, c'est surtout au début, et c'est surtout aussi dans l'armée britannique et l'armée américaine, qui est beaucoup plus freudienne que l'armée française. Faut dire que Freud, à l'époque, c'est un Autrichien, donc c'est l'ennemi. Oui, il y a des articles pour dire Freud, c'est austro-boche, obsédé par la sexualité, etc. Et à partir de fin 1915, il y a effectivement des méthodes très dures, celle de Clovis Vincent par exemple, celle de la torpille électrique. L'électricité, c'est pas une nouveauté, on utilisait l'électricité, mais de façon persuasive. Par exemple, quand vous étiez paralysé, enfin, c'était une paralysie psychique, c'est-à-dire vous aviez les bras le long du corps par exemple, eh bien on vous donnait une petite décharge électrique, et puis oui, on vous faisait contracter vos muscles, et on disait, ah ben regarde, tu vois, t'es pas paralysé, tes muscles se contractent. On essayait de, par la suggestion, de vaincre finalement une autre suggestion. Et là, il s'agit de faire mal. Le but, c'est de faire mal. Qu'on veut renvoyer les soldats le plus vite possible sur le front. Voilà. Et on ne pense pas à ce moment-là que la guerre puisse rendre fou. Ah non, non, non, parce que la guerre, au contraire, c'est le bain de sang purificateur. C'est la grande guerre régénératrice qui va régénérer l'Europe, régénérer la France. Mais est-ce que les médecins qui sont sur le front pensent ce genre de choses? Quand même, il y a des médecins intelligents. Alors, évidemment, ils sont confrontés à tout cela, mais c'est un discours... toutes les revues médicales qui paraissent à l'époque sont tenues par des médecins qui sont à l'arrière. Ceci dit, Clovis Vincent, avant d'être le directeur du centre neurologique de Tours où il va pratiquer le torpillage, c'était un médecin de l'avant. Un médecin qui était très très dur. Jean-Yves Le Naour, que va devenir Octave Montjoin à la fin de cette histoire ? Alors, le pauvre Antelme Montjoin, qu'on a reconnu comme Octave Montjoin, définitivement en 1939, eh bien, il restera à l'asile de Sainte-Anne, il avait été envoyé à Paris, à Sainte-Anne, jusqu'à sa mort, le 10 septembre 1942. Alors, c'est une véritable ironie, parce que des centaines de familles l'ont réclamé, auraient voulu le cajoler, le chouchouter, et puis finalement, il est mort seul, et pire encore, il est mort de faim, comme 40 à 50 000 aliénés dans les hôpitaux psychiatriques français. Pendant l'occupation. Il y avait à peu près 100 000 malades, et sur ces 100 000 malades, il y a eu 40 à 50 000 morts de faim. Pour les hôpitaux civils, eh bien, on avait double ticket de rationnement. Mais les hôpitaux psychiatriques n'avaient que des tickets de ration, et ça ne suffisait pas. Si on n'avait pas une famille qui venait vous voir, qui vous apportait à manger, on était condamné. Et tous les témoignages racontent de ces malades qui mangent de l'herbe, l'écorce des arbres, et puis qui peu à peu sont condamnés à mort. Il faudra attendre 1944 pour que quelqu'un s'intéresse à sa mémoire et qu'en 1948, son corps soit inhumé dans le village où il est né, à sa mort en Indre. Oui, alors c'est étrange sa destinée parce qu'il est mort deux fois. Il est mort en perdant la raison, et puis également en 1942, sa mort physique, et il a été enterré deux fois. D'abord enterré dans une fosse commune complètement oubliée à Bagneux, et puis en 1944, effectivement, un ancien combattant s'émeut du sort de cet homme qui avait défrayé la chronique, le soldat inconnu vivant, le frère du soldat inconnu de l'Arc Triomphe, et puis qui décide à ses frais de le transférer dans son village, de l'inhumer dans son village, et en 1948 c'est fait. Ainsi, il y a eu deux inhumations, et aujourd'hui, si vous allez à Saint-Maur-sur-Indre, ce petit village à côté de Châteauroux, eh bien, la salle des fêtes s'appelle la salle Octave Montjoin. Eh bien, c'est une belle histoire. Merci beaucoup, Jean-Yves Le Naour. Vous êtes l'auteur, je le rappelle, du Soldat inconnu vivant 1918-1942, réédité chez Fayard en 2018. Le livre a été adapté également en bande dessinée avec l'illustrateur Mauro Lirussi aux éditions Roi Modus. À lire également de vous, Jean-Yves Le Naour, sur Les embusqués du cerveau, Les soldats de la honte, édité chez Perrin dans la collection Timpus, et votre dernière parution, 1919-1921, Sortir de la guerre, édité chez Perrin. Thank you. Voilà, c'est fini pour Autant n'importe l'histoire ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission ou toutes celles que vous auriez manquées sur notre site franceinter.fr. Vos commentaires sont les bienvenus sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous parlerons cinéma et politique. En 1936, le réalisateur Jean Renoir, emporté par la ferveur du Front populaire, accepte de tourner des films de propagande pour le Parti communiste. Engagement sincère ou opportunisme? Jean Renoir, un cinéaste sous le Front populaire, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire.